Chapitre 5e. Plénoche commence à se faire bien connaître pour ce qu'il est. Aventure de grand chemin. Le lendemain, notre auditeur, se croyant dégagé de toute obligation envers M. de Longueville, à cause des paroles un peu dures qu'on lui avait dites, voulut traiter de puissance à puissance avec son Altesse. Il députa son fils pour demander si on lui permettrait enfin de quitter Coulommiers. Le prince répondit que tous les 4 sous étaient libres de se retirer. On s'embarqua pour Montanglos, dans le vieux carrosse qui avait amené les dames. Notre héroïne mit la tête à la portière en passant devant les fenêtres de Plénoche. Tous deux se firent des signes d'adieu en agitant leurs mouchoirs. La demoiselle versa de ses yeux bleus les plus jolies larmes du monde, et le chevalier prit le ciel à témoin de son désespoir selon la coutume des amants malheureux. Ce n'était point un esprit à rêver creux longtemps que M. Plénoche. Après avoir bien fait sonner ses éponges sur le plancher de sa chambre et soulagé son cœur par quelques petites imprécations, il se promit tout bas de servir bientôt à M. 4 sous un plat de son métier. Après la tête d'un fou, ce qui engendre les plus belles extravagances, c'est bien celle d'un amoureux en peine, et notre chevalier réunissait les deux qualités ensemble. Mais, avant de rien entreprendre, il s'en alla recevoir les consolations et les avis de la princesse. « Je cherchais justement les moyens de vous rapprocher de votre ami, » lui dit Mademoiselle de Longueville. « Un enlèvement me paraît aujourd'hui la seule ressource que nous ayons. Mais si vous avez quelque chose à démêler avec la justice, Monsieur le Duc n'osera point se déclarer pour vous. Il faut que je vous assure d'abord son appui. » La petite Altesse déploya ses grâces enfantines pour solliciter du prince l'autorisation d'exécuter un rapt. Monsieur de Longueville fronça les sourcils et fit sa mine grise. « Je ne puis donner les mains à cela, » répondit-il. « Vous me feriez une méchante affaire. Montanglos est sous les terres de mon gouvernement. Que dirait-on si je favorisais des actes que j'ai mission d'empêcher ? Lorsque j'ai menacé M. 4 sous de laisser carte blanche à Plénoche, je n'entendais pas que le chevalier dût sortir des voies légales. Il aura sa promesse de mariage, c'est à lui de s'en servir. Qu'il cherche à voir sa maîtresse, à s'introduire dans la maison du père s'il est possible. Enfin, qu'il se comporte en amoureux de comédie, cela n'est point défendu, mais un enlèvement est chose grave dont le Parlement pourrait s'émouvoir. » Outre l'amitié que la princesse avait pour Plénoche, elle se promettait un grand plaisir à voir comment le chevalier s'y prendrait pour enlever sa belle, et quelle drôlerie sortirait de cette cervelle timbrée, car elle aimait l'extraordinaire et les gens qui avaient du bizarre. Elle prit si fort à cœur les intérêts de son chevalier qu'elle parlait des affaires et des amours de Plénoche comme si c'eût été les siennes. On les voyait tous deux ensemble se concertant du matin au soir, et quand on demandait à la princesse comment elle se portait, « Je ne suis pas bien, » répondait-elle, « nous avons du chagrin, nos amours nous tourmentent beaucoup. » Un jour qu'elle n'avait point d'appétit, le duc s'informa si elle était incommodée. « Assurément, » dit-elle, « et votre Altesse en sait bien la raison. Vous ne voulez pas que nous enlevions Mademoiselle 4 sous. « Cela me rend triste, comme vous voyez. »« Petite fille, » reprit son Altesse en riant, « je vous permettrai d'enlever cette demoiselle quand elle ne sera plus dans mon gouvernement. Faites votre coup de main à Paris et amenez la belle chez moi, je vous donnerai refuge. » Tout le monde aimait Plénoche à Coulommiers, en sorte que notre amoureux eût trouvé, parmi les jeunes gens, de bonnes têtes chaudes et des bras vigoureux prêts à l'aider. Après 3 grandes journées d'ennui, notre héros prit son cheval un matin et s'en alla droit à Montanglos. On y était à dîner lorsqu'il entra dans le réfectoire, le pistolet au poing. Il salua les dames et, s'adressant à M. 4 sous, « Monsieur, lui dit-il, quoique vous m'ayez montré bien de la rigueur, la religion vous ordonne de ne point souhaiter la mort de votre prochain. Or, je m'en allais mourir de douleur, si je n'eusse revu mademoiselle votre fille. C'est pourquoi me voici. Dieu seul sait l'avenir. » Et si je serai ou non votre gendre. Mais en attendant, vous voyez en moi un gentilhomme fort à plaindre, dont vous devez avoir pitié. Souffrez que, pour me rendre un peu le cœur à la vie, j'entretienne un instant mademoiselle en votre présence, sans manquer au respect dont je fais profession pour vous. « Est-ce que vous perdez la raison, monsieur ? » s'écria le père. « On ne fait pas ainsi. On ne s'introduit pas dans les maisons sans l'agrément des gens. Cher monsieur 4 sous, je n'ai qu'une folie. C'est mon amour pour mademoiselle. » Les autres font à leur idée. Pour moi, voilà comment je fais. Et c'est justement votre agrément que je vous demande. Eh bien, corbleu, je vous le refuse. Cela m'afflige. car il faudra donc que je m'en passe. Je pourrais brûler la moussache avec ce pistolet au premier qui me voudrait gêner. Ainsi, ne me poussez pas à cette extrémité. Ne nous fâchons point, si vous m'en croyez. Je n'en ai que pour une minute. » Plénoche donna l'ordre au laquais de lui présenter un siège et s'assit à côté de sa maîtresse. « Mademoiselle, lui dit-il, j'espère que vous m'excuserez. Je n'ai pu vivre plus de 3 jours sans vous voir. Les chimères les plus cruelles me venaient assiéger. Il me semblait que, loin de moi, vous m'alliez oublier. Je veux savoir si vous m'aimez encore. Mon bonheur dépend de vous, car je ne doute pas que le ciel ne finisse par nous sourire, si vous avez de la persévérance autant que moi. Puisque nous ne pouvons nous parler sans témoin, dites-moi tout haut ce que vous pensez et si je dois me livrer au plaisir ou au désespoir. « Monsieur le chevalier, répondit la demoiselle avec émotion, mon père peut m'empêcher d'être à vous, mais non de vous aimer. Je ne suis pas libre de vous donner ma main, ni de vous retirer mon cœur. L'un m'est aussi impossible que l'autre. » « Vous êtes une impertinente, ma sœur, interrompit Montanglos, qui voulait faire le gentilhomme, et vous, monsieur, je vous engage à vous retirer. « Ma chère âme, reprit Plénoche, vous m'avez rendu le courage et les forces. Prenons patience. J'ai des raisons de croire qu'il nous viendra bientôt d'heureux jours. » Le chevalier baisa tendrement la main de sa belle. « À présent, monsieur Montanglos, ajouta-t-il, me voici à vos ordres. Je serai charmé de me couper la gorge avec vous galamment. Cela vaudra mieux que de vous donner des coups de bâton, car j'aurai fini par là. Je ne me battrai pas avec un fou, répondit Montanglos. Alors il faudra que j'en revienne aux coups de bâton. Vous les aurez la première fois que vous donnerez à mademoiselle des noms injurieux. Tenez-vous cela pour dit, et soyez plus doux. Il sied mal à un petit garçon comme vous de faire le tyranno. Monsieur l'auditeur, je vous présente mes civilités. Madame Quatre Sous, tenez-moi pour l'homme qui vous aime et vous estime le plus. Au revoir, monsieur Montanglos. » Plénoche remonta sur son cheval et revint à Coulommiers l'esprit un peu soulagé, avec une histoire racontée à mademoiselle de Longueville, dont cette aimable princesse amusa 2 jours et qui fit dire à toute la cour « Voyez combien l'amour nous jette hors de nous-mêmes, puisque le bon et le sage Plénoche s'est vu pousser à faire une pareille bizarrerie. » Au fond, le chevalier avait raisonné sur son étrange visite à Montanglos. Il voulait obliger le père de sa belle à quitter ce château et le moyen était bon, car de peur d'une nouvelle algarade, monsieur l'auditeur résolut d'emmener sa famille à Paris. Comme les sots ont coutume de tout faire sautement, monsieur Quatre Sous, au lieu de partir sans bruit, transforma ses laquais en gens de guerre et se mit en campagne avec une escorte de 10 hommes. Il y avait jusqu'au garçon de charrue qui portait mousquet et gardait le carrosse de voyage. Plénoche en eut avis et se proposa, comme une simple partie de plaisir, d'inquiéter un peu nos robins pendant leur route. 3 gentilshommes de ses amis s'offrirent à lui. En y ajoutant le valet Champignon, la troupe fut ainsi composée de 5 personnes qui valaient bien les 10 estaffiers de campagne de monsieur Quatre Sous. Au petit train dont allait le coche de monsieur l'auditeur, on pensa qu'il n'arriverait pas avant la nuit au bourg Guérard, situé à quelques lieues de Coulommiers, et nos jeunes fous le voulurent rejoindre en cet endroit. La troupe partit au galop, encouragée par les rires de la princesse, et après avoir promis à monsieur de Longueville qu'on ne commettrait aucune violence. Pour ne point prendre le convoi par les derrières, on se jeta dans les traverses. Au bout d'une heure de marche, on aperçut, du haut de la colline, le carreau s'entourer de son monde qui cheminait sur la grande route. « Il les faut avertir de notre présence, dit un gentilhomme. Approchons-nous à travers les bois et tirons nos pistolets en l'air. » Pendant l'espace d'une lieue, M. Quatre Sous, entendant des explosions autour de lui, pensa mourir d'effroi et crut qu'il allait avoir affaire à des ennemis innombrables. Son fils Montanglos et lui commençaient à se repentir de leur rodomontade et regrettaient leur maison. Cependant, Plénoche ayant pris les devants, le vacarme cessa et l'armée des Robins se remit de ses frayeurs. Il était nuit close, lorsqu'on vit les maisons du bourg Guérard. 3 hommes, que M. Quatre Sous envoyait en éclaireur, s'arrêtèrent tout à coup, disant qu'on ne pouvait plus avancer. 2 grosses charrettes sans attelage fermaient le chemin. Dans ce moment, Plénoche et ses amis sortirent des bois et se montrèrent. Ils attaquèrent la troupe avec tant d'impétuosité que les laquais transformés n'eurent pas le temps de coucher leurs mousquets en joue. Les uns, ayant le pistolet sur la gorge, se laissèrent désarmer, et les autres prirent la fuite. Il y eut plusieurs coups de feu tirés, mais heureusement personne n'en fut atteint. Notre chevalier ouvrit la portière du carrosse et reçut dans ses bras sa maîtresse éperdue. Le danger et l'obscurité diminuent bien la pruderie des femmes. Aussi Plénoche reçut de sa belle des étreintes charmantes et des mots pleins de tendresse qui lui semblèrent délicieux, quoique la peur y fût pour une bonne moitié. Nos amants eurent donc encore un instant d'adoucissement à leur peine. La demoiselle ne s'étonna point quand le chevalier assura qu'il avait livré ce combat et courut les bois pour la revoir et lui jurer une dernière fois de lui être fidèle, tant l'amour fait excuser de choses. Madame Quatre-Sous, au milieu du désordre, ne cessait de répéter à son mari. « Voilà ce que c'est que de se brouiller avec les gens de cour. » Montanglos avait fui à travers champs. Monsieur l'auditeur, tout replié sur lui-même dans le fond du carrosse, demeurait immobile. « Seriez-vous blessé ?» lui demanda sa femme. « Au ciel !» s'écria Plénoche. « Monsieur Quatre-Sous est-il blessé ?» Monsieur Quatre-Sous, le menton sur la poitrine et les bras étendus, ne voulait plus remuer. On l'entraîna par les jambes hors de son coche. « Vous mériteriez que je fusse mort, » dit-il enfin avec colère, « car vous avez tiré sur moi. Qui vous dit que je ne suis pas blessé, puisque vous avez tiré sur moi ? Est-ce en tirant sur un père qu'on travaille à devenir son gendre ?» On sait que Plénoche n'était pas rieur. Il ne put néanmoins regarder la figure de monsieur l'auditeur sans lui rire au nez, tant la crainte et l'indignation mêlées ensemble rendaient cette figure plaisante à voir. « Eh, monsieur Quatre-Sous, » dit-il, « ce sont vos gens qui ont tiré en se sauvant, et non pas moi. Allez, allez !» criait le père. « Vous êtes un tueur, un brigand. Vous n'aurez jamais ma fille, homme sanguinaire. »« Vieillard méchant, » reprit Plénoche, « si vous n'étiez point ici sur les terres que monsieur de Longueville gouverne, je vous ôterais votre fille. Vous n'êtes pas digne d'avoir un tel trésor en votre possession. Mais tenez-vous pour averti. Vous voyez ce que je sais faire. Je vous enlèverai votre enfant. » « Comme il est vrai que vous êtes un poltron, avant une semaine, vous aurez de mes nouvelles à Paris. » Les voyageurs remontèrent en carrosse. On détourna les charrettes, et le coche partit privé de son escorte. Monsieur Quatre-Sous arriva enfin au bourg Guérard, où le souper et un bon lit le rétablirent de ses traverses. Montanglos le vint rejoindre vers minuit. Plénoche et ses amis regagnèrent Coulommiers avant le coucher de la princesse, et mademoiselle de Longueville prit tant de plaisir à écouter le récit de cette aventure de la bouche du chevalier, qu'elle ne rentra dans ses appartements qu'à 3 heures du matin. Notre héros avait pourtant commis une faute en irritant à ce point M. Quatre-Sous contre lui. Le bonhomme garda toujours sur le cœur les coups de pistolet qui l'avaient effrayé. Dans la suite des temps, chaque fois qu'on lui reprocha de n'avoir pas voulu donner sa fille au chevalier, il répéta « Il serait plaisant vraiment que j'eusse accepté pour gendre mon propre meurtrier ».